Bonjour, je m'appelle Franck de Laplace. Nous sommes actuellement à l'Université d'Évry, au laboratoire IBISC, informatique, biologie intégrative et systèmes complexes. Un événement est arrivé en 2000, car j'ai effectué un changement d'orientation thématique vers une nouvelle discipline naissante, la bioinformatique. Professeur depuis 2005, je m'intéresse à présent à de nouveaux domaines de la biologie synthétique, science émergente dont l'objet est de développer une ingénierie de conception des fonctions biologiques de synthèse. Et dans ce cadre, je vous parlerai plus particulièrement du projet symbiotique visant à concevoir des langages de programmation pour programmer les organismes vivants. L'objectif de symbiotique, c'est de concevoir une tour de langage, c'est-à-dire comportant différents langages, chaque langage adressant un niveau de complexité du vivant différent. Ces langages, dans la chaîne de production d'une idée d'un génome vers le génome réalisé, se situent en amont d'un synthétiseur qui correspond, pour être schématique, à une sorte d'imprimante ADN. Et donc l'idée, c'est de faire la genèse d'un texte qui, au final, correspond à un texte décrit dans un ensemble de lettres ATGC. Et cet ensemble de lettres correspond à des commandes qui seraient les commandes du synthétiseur. La manipulation génétique, il y a deux méthodes. On va dire, il y a la méthode manuelle qui existe depuis les années 70, c'est-à-dire qu'on coupe des gènes et on les recolle là-dessus. Mais maintenant, en fait, on peut estimer que ça devient crédible depuis la fin des années 90, des années 2000, c'est-à-dire qu'on a des synthétiseurs ADN, c'est-à-dire des machines qui ont le même rôle que les imprimantes. C'est-à-dire qu'on rentre un texte, qui est un texte, je veux dire, décrivant le code du gène, c'est-à-dire formé de l'alphabet de quatre lettres. Ce texte-là est interprété par cette imprimante, qui combine les quatre bases pour sortir, on va dire, de l'ADN. Et une fois l'ADN sorti, et puis on va dire traité ensuite, injecté dans une bactérie, elle se comporte, on va dire, entre guillemets, comme un gène naturel. Voilà la technologie, enfin une des technologies sur lesquelles peut prendre appui la biologie synthétique. Il y en a d'autres, mais ça c'est une des technologies possibles. On a une disponibilité et puis de nouveaux outils justement pour faire de la synthèse. Le schéma est assez simple. Hein. Supposons qu'on veuille faire un dessin d'art. Donc on va le programmer, mais pas dessiner à l'écran puis imprimer, mais décrit et programmé et puis ensuite imprimé. Qu'est-ce qu'on ferait ? On décrirait les actions de construction de ce dessin, puis une fois que ces actions de construction seront définies, on les traduit en action pour une imprimante, et cette action de cette imprimante, elle va réaliser physiquement ce dessin. Donc si on met ça dans une chaîne de synthèse, c'est qu'on va décrire un programme décrivant une fonction biologique. Une fois qu'elle est décrite, on va la traduire en séquence d'ADN, c'est-à-dire ensuite d'ATGC, ou en sélection de composants plutôt qui sont eux-mêmes décrits dans cette séquence-là. Cette séquence-là donne le texte terminal pour pouvoir être transmis au synthétiseur. Et le synthétiseur, lui, va synthétiser la macromolécule d'ADN. Et à partir du moment où notre travail s'arrête, puisque ça devient le travail des biologistes, d'insérer cette macromolécule au sein d'une bactérie. La plus grande performance est arrivée en 2010, puisque c'est Craig Venter qui a synthétisé le génome d'une bactérie, le mycoplasma mycoïde. Mais là, il faut comprendre que c'est une photocopie. C'est-à-dire que c'est une reproduction d'un génome naturel, donc en génome artificiel. La performance, c'est une performance technologique extraordinaire, puisque cette séquence-là, ce génome-là, faisait près d'un million de paires de bases. Et une fois inséré dans un châssis, c'est-à-dire une bactérie dépourvue de génome, eh bien, en fait, la vie a recommencé, s'est multipliée, s'est divisée, etc., etc. Mais là encore, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas la capacité de conception, c'est la capacité de la technologie et de la maîtrise de cette technologie. Puisque en termes de conception, on n'a rien fait, on a fait une photocopie. Le projet symbiotique, c'est un projet qui a débuté en 2010. Et l'objet de ce projet, c'est de concevoir des langages de programmation pour la biologie synthétique, c'est-à-dire pour programmer les organismes vivants. Donc par organismes vivants, on attend plutôt des bactéries que des hommes, hein, faut le préciser. Et l'objectif, c'est d'essayer de s'attaquer finalement à la complexité des réseaux génétiques et de la conception des réseaux génétiques. Alors, pourquoi s'attaquer à la complexité des réseaux génétiques? C'est-à-dire que l'état actuel de la synthèse des fonctions biologiques, c'est-à-dire, entre guillemets, fabriquer des OGM, c'est, on va dire, on est dans l'état d'une dizaine de gènes. Et si on veut, en quelque sorte, monter à l'échelle, c'est-à-dire passer à une centaine et un millier de gènes, on est confronté, finalement, à une complexité de caractériser l'ensemble des relations qu'il existe entre les différents agents biologiques. Et en informatique, très bizarrement, ben on est assez... En fait, c'est notre pain quotidien, je dirais. Un ordinateur, finalement, si on le regarde à son état initial, c'est une carte mère dans laquelle passent finalement des informations, qui a différentes variations électriques au sein des transistors, des choses comme ça, etc. Et à cette échelle-là, finalement, si on reprenait l'idée de la biologie synthétique, on serait parfaitement incapable, en quelque sorte, de programmer un ordinateur. Donc ce qui est fait, finalement, c'est une forme de structuration de l'information, et on essaie d'abstraire de plus en plus. Et le principe d'une abstraction, c'est de rassembler, en quelque sorte, en peu de mots, un grand nombre d'actions. Comme finalement, c'est notre pain quotidien en informatique, eh bien, on se dit qu'on peut l'appliquer finalement à la biologie synthétique, et pour l'appliquer à la biologie synthétique, ça passe en quelque sorte par la conception de langages de programmation, justement qui sont les éléments, en fait, qui sont les éléments syntaxiques, support en quelque sorte de cette abstraction. L'idée de la chaîne est très simple, hein, je veux dire, c'est tout en haut, on va décrire des formes, ces formes vont être traduites en actions d'une population de cellules. Au sein de cette cellule, une fois qu'on a cette action d'une cellule, eh bien on va la traduire finalement en action moléculaire, on pourrait dire, c'est-à-dire en système de régulation génétique. Une fois qu'on a cette chose-là, eh bien on va sélectionner les gènes, donc on va sélectionner leur séquence, on va les assembler. On va ajouter quelques éléments supplémentaires, mais qui ne sont pas des éléments du programme, afin de garantir finalement qu'ils soient fonctionnels, hein, notamment si on parle de petits génomes qu'on appelle des plasmides qu'on insère dans les bactéries, bon, faut pouvoir les reboucler, etc., etc. Voilà, et puis une fois qu'on a cette description de cette séquence, dans le schéma, on l'envoie au synthétiseur. Essentiellement, c'est qu'il n'existe pas une seule manière de parler du vivant. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux dans le vivant, c'est-à-dire qu'il y a un niveau moléculaire, il y a un niveau cellulaire, et puis il y a un niveau de l'organisme et de son développement. Et face à ces niveaux de complexité du vivant ou d'intégration du vivant, eh bien, il existe, même, on va dire, en biologie, on en parle différemment. Alors pourquoi on en parle différemment? C'est que les objets qui sont manipulés sont des objets différents, et que les actions et les processus qui sont décrits sont aussi des processus, sont aussi différents. Et donc au niveau le plus bas, ce qu'on va viser, c'est la description et donc le contrôle des réseaux génétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau génétique? C'est la description finalement de l'action d'un gène sur un autre, c'est-à-dire qu'un gène, par l'intermédiaire de la protéine qu'il code, va pouvoir agir sur un autre gène et réguler la production, en quelque sorte, de la protéine du gène cible. Donc ça forme en quelque sorte des réseaux, hein, où les liens sont des liens sont la description des liens d'action. Et ça, à la fois, il faut le décrire, et puis il faut trouver des méthodes, en quelque sorte, pour sélectionner ces différents liens, pour sélectionner les composants. Enfin, la problématique, donc, est une problématique de description, de trouver une abstraction qui permette de ne pas être trop proche, en quelque sorte, du support physique, puisque d'un organisme à l'autre, les gènes seront différents, mais la fonction pourrait rester. Et puis aussi un problème de concrétisation de ce support-là qui est de le mettre sur, enfin de le transformer en séquence d'ADN. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'il va falloir coordonner en quelque sorte les cellules pour qu'elles réalisent une action collective. Donc cette coordination se fonde, on va dire, sur la communication, donc contrôler la communication cellulaire, et puis de l'action qui est engendrée à la fois par la communication et aussi par la réaction, en réaction aux modifications comportementales. Au dernier niveau, il s'agit non plus, on va dire, de cellules, de réseaux, mais plutôt de formes. De forme si on parle du développement, et puis de comportement si on parle de physiologie. Et là, il faut pouvoir décrire les comportements et la physiologie. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, finalement, décrire comment la forme se fait et comment elle évolue. L'enjeu, c'est plutôt de trouver une mathématique de la forme, une sorte d'algèbre, qui permette de combiner différentes formes pour en former une troisième, etc., etc., etc. Donc ça, c'est à la fois un challenge de mettre en connexion ce niveau-là avec les autres niveaux, mais aussi un vrai challenge intellectuel, parce que parler de forme de manière mathématique, c'est aussi une ambition en soi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il existe non pas un langage, mais bien trois niveaux de langage. Un au niveau, en quelque sorte, de l'organisme, de conception et puis de construction de l'organisme, et puis ensuite, on va dire, de contrôle, en quelque sorte, de son comportement. Et si l'organisme est un organisme multicellulaire, il faut descendre au niveau cellulaire et pouvoir traduire, en quelque sorte, ces opérations en opérations d'une population de cellules qui possède la propriété d'être distribuée, pas tout à fait organisée comme un réseau informatique, et puis aussi parfois défaillante, hein, puisqu'une cellule peut être défaillante. Donc ces unités de calcul, c'est aussi une question en soi. Hein. Et puis enfin, au sein de chaque cellule, pouvoir traduire ce comportement à l'échelle de la cellule en opérations qui sont elles-mêmes traduisibles, on va dire, en séquence. Voilà le niveau le plus bas. Ce qui est décrit ici, c'est le principe d'abstraction. Il y a un exemple qui est celui qui a été proposé par un architecte au MIT, qui était celui de la conception, on va dire, d'un arbre maison. L'idée de cet architecte était simplement qu'un arbre se développe et épouse la forme d'une maison. Et donc ici, il va falloir pouvoir parler au niveau très haut du développement du tronc, de l'arbre et tout ça, ensuite traduire ça finalement en termes de division cellulaire et de communication entre cellules pour permettre justement ce développement conforme à ce plan, et enfin la traduction en quelque sorte en réseau génétique, enfin qu'il soit possible de contrôler la production des protéines pour réaliser ces actions de communication et de division cellulaire. Voilà à peu près les trois niveaux. Donc au niveau le plus haut, on décrit comme un architecte le ferait, finalement, le plan de la maison avec le tronc. Donc c'est là le principe de l'abstraction. Alors comment on travaille ? D'abord, on travaille pour l'instant pas en interaction étroite avec la conception biologique, puisque c'est essentiellement pour l'instant d'essayer de mettre en forme des idées. Donc on travaille de manière parallèle sur ces trois niveaux-là. Il y a une équipe et il y a un ensemble d'intervenants qui s'occupent du niveau de la forme, il y a un ensemble d'intervenants qui s'occupent finalement du niveau de la programmation cellulaire d'une population cellulaire, et puis il y a une équipe qui s'occupe finalement du langage de description en quelque sorte des réseaux biologiques, en essayant de fournir toutefois une abstraction. Et donc moi je m'occupe plutôt justement du niveau bas, c'est-à-dire du langage des réseaux. Et l'une des grandes problématiques au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est de transférer une problématique biologique en problématique informatique. Et que ce transfert acquiert en quelque sorte les concepts nécessaires et essentiels déjà pour comprendre et pour s'attaquer au problème dans le monde de l'informatique. Donc là, la caractéristique qui a été retenue pour cette conception, c'est de considérer finalement qu'une cellule, c'est un système ouvert, c'est-à-dire c'est un système qui interagit avec son environnement, qui plus est lorsqu'on fait une fonction de synthèse, c'est-à-dire une voie dans ce réseau génétique, elle va interagir avec les autres voies préexistantes, puisque c'est l'insertion de cette voie-là. Et le fait, entre guillemets, de décrire mathématiquement cette possibilité-là, au travers d'un langage, et donner sens à cela au travers d'un langage, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit quelque chose, eh bien on a le concept d'ouverture, c'est déjà un challenge en soi. Donc c'est la première étape, on pense avoir trouvé une piste là-dessus, qu'une piste technique est compliquée. Et ensuite, évidemment, il y a aussi toutes les phases d'intégration, d'interaction entre ces différents niveaux-là. Mais on va dire que c'est pour la fin. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces niveaux-là sont relativement découplés, très, très bizarrement. C'est-à-dire que le couplage peut arriver à la fin. Pourquoi ? Parce que les questions posées au sommet, c'est-à-dire, on va rentrer entre guillemets pour décrire un langage de développement, un langage spatial de développement des formes, est une problématique en soi. Et qui a, par contre, qui a le même procédé, c'est-à-dire essayer de capturer, de mathématiser finalement des notions pertinentes sur le développement des formes. C'est-à-dire qu'il y a un procédé relativement universel entre les trois niveaux. Et ça, c'est difficile. Croyez-moi, c'est difficile en soi. Au niveau le plus bas, ce qu'on a défini actuellement, c'est ce qu'on a décrit un langage qui s'appelle GUBS, Genomic Unified Behavior Specification. Et la première chose que l'on fait lorsqu'on décrit un langage, c'est que l'on va définir ce qu'on appelle sa sémantique. Sa sémantique, c'est la version mathématique d'interprétation du calcul. Lorsqu'on écrit un programme, il faut savoir l'interpréter. Et cette interprétation, finalement, elle est donnée par ce qu'on appelle une sémantique. Alors, la caractéristique de ce langage, c'est que ce n'est pas un langage de type PHP, Java et autres, c'est un langage de règles. C'est-à-dire que l'on va décrire un ensemble de règles auxquelles le réseau doit se conformer. Et à partir de cet ensemble de règles, qui sont des règles de causalité, eh bien, on va essayer de trouver les composants dont le comportement est le plus proche et se conforme à ces règles de causalité. Donc on imagine qu'un programme est un ensemble de règles causales, pour simplifier, qui décrivent l'action en quelque sorte d'un gène sur un autre. Et donc on va chercher des composants dans une base de données où ces règles causales peuvent s'instancier, c'est-à-dire correspondre. Et la compilation, c'est-à-dire la transformation en quelque sorte de ce programme-là en une séquence génétique, passe d'abord par la sélection des composants, et cette sélection des composants finalement nécessite une sorte de tuilage des composants, des tuilages de ces composants sur le programme, qui est une forme de tuilage comportemental, puisqu'on essaie de trouver le comportement dans les composants qui est le plus proche du comportement qu'on veut décrire de la fonction. Enfin, voilà l'approche qu'on est en train de suivre actuellement. Comme mérite, c'est qu'on peut décrire le comportement des composants dans le même langage que on décrit le programme décrivant la fonction synthétique. Et cette approche, c'est une approche, si on est un peu technique, qui est une approche qui ressemble à la preuve automatique de théorème, enfin la preuve assistée par ordinateur, où l'ensemble des composants décrit finalement les axiomes et le programme à synthétiser, c'est le programme décrivant la fonction qu'on doit générer, a un théorème. Donc l'enjeu, c'est de prouver que l'on arrive à synthétiser ce programme par les composants. Donc le projet symbiotique est composé de 12 personnes qui ont une formation informatique. C'était un projet de l'ANR qui était un projet informatique de l'Agence nationale de recherche. Elle se répartit initialement sur 3 sites qui étaient l'Université d'Évry, le laboratoire Ibisque, l'Université de Paris-Est et Créteil, le LACL et puis l'École polytechnique technique, le CREA et plus particulièrement l'Institut des systèmes complexes. Et maintenant, une quatrième institution nous a rejoint, c'est-à-dire l'IRCAM. Les chercheurs, en fait, se répartissent dans les différents groupes. Et si on veut avoir une division un peu caricaturale, Ibisque s'occupe du niveau réseau de régulation. Le LACL s'occupe du niveau population de cellules et langage de la morphogénèse. C'est un langage non conventionnel décrivant l'espace. Et puis le CREA, l'ISC, s'occupe plutôt de définir une algorithmique de forme, de programmer en quelque sorte les formes et de trouver quels sont exactement les bons concepts à saisir justement pour les programmes. Nous nous réunissions à peu près tous les trimestres pour faire un point. Et bien sûr, il y a des réunions de recherche plus fréquentes, on va dire sur chaque site et puis aussi à l'intérieur des sites. Voilà à peu près comment fonctionne le projet. Alors la genèse de ce projet, je crois qu'il faut le reconnaître, c'est la genèse de 3 personnes qui sont Jean-Louis Gévito, Antoine Spicher et Olivier Michel, qui ont trouvé ce projet dans une voiture, partant pluvieux, en revenant d'un congrès. Et donc l'idée, c'était, la question qui était posée, c'est peut-on programmer des unités défaillantes aux pannes, distribuées, se coordonnant pas, on va dire, d'une manière aussi rigide que dans les réseaux. Et voilà, donc ce projet a fait sa route sur la route, en quelque sorte. Et la cible naturelle à ce moment-là de cet objet abstrait, c'était naturellement les organismes vivants. Je précise encore, les organismes vivants, c'est plutôt les bactéries. Nous, on crée des outils, on définit des principes, on veille surtout en biologie synthétique que la progression de la, de la technologie de langage soit bien couplée avec des méthodes, minimisant le risque. Personnellement, j'y tiens. Ça ne veut pas dire qu'on l'élimine, mais au moins, en termes de conception, on essaie de coupler ces méthodes-là. Voilà. Maintenant, les réalisations, c'est ouvert. C'est la même question qu'on pourrait poser à quelqu'un qui conçoit un langage informatique, mais quels sont les logiciels de dans 10 ans qui existent? Je ne pense pas qu'on aurait pensé que Facebook existait, je ne pense pas qu'on aurait pensé que les navigateurs, quoique si les navigateurs Internet existeraient, etc., etc. Ce que je peux définir, c'est que si les choses se font, nous on espère qu'elles se font justement grâce à nos langages, plus simplement, avec moins de bugs et puis avec plus de sécurité, parce qu'on aura mis des méthodes permettant de vérifier ces différents éléments-là. Il y a 2 niveaux de pilote, c'est-à-dire qu'il y a deux réalisations possibles. Ce qu'on a fait actuellement et ce qui se fait, par toutes les personnes qui ont le même projet, dans le monde, c'est de prendre des réseaux déjà synthétisés, déjà fonctionnels, et de voir, si on peut les décrire d'une manière beaucoup plus concise, et ça, par le langage GUBS, effectivement, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'un réseau de 10 gènes se décrit en 2 instructions, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer une compilation convergent vers ce réseau-là? Ça a été fait, par nous. C'est fait aussi au MIT par TechBill. Et c'est le principe est celui-là. Donc on a déjà fait des applications et ces applications ont déjà produit, effectivement, si on a un peu d'imagination, un réseau génétique fonctionnel puisqu'il était déjà fonctionnel. Et à partir d'un programme, qui était un programme qui ne décrivait pas explicitement ce réseau, mais qui en décrivait plutôt sa fonction. Le réseau dont je fais référence, il fait approximativement une dizaine de gènes, et l'écriture initiale du programme décrivant sa fonction fait à peu près 2 lignes de programme. C'est un tout petit, donc on ne peut pas encoder dans les 2 lignes ces 10 gènes. Donc, et puis un processus automatique d'extension. Alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce processus automatique d'extension, il est automatique dans le sens où il se conforme aux règles de compilation, mais il ne l'est pas dans le sens où c'est l'utilisateur qui va guider la sélection. Mais cette sélection, je veux dire, est conforme aux règles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois donc une partie de validation qui existe maintenant, c'est-à-dire que effectivement ces règles-là peuvent conduire ça, mais le guide en quelque sorte qui va choisir plus particulièrement ce réseau-là, c'est pour l'instant une question ouverte. Donc quand on aura été bien entraîné là-dessus, peut-être qu'on passera sur une véritable expérience biologique là-dessus. Voilà. Là, on s'attaque vraiment à un problème difficile, c'est-à-dire qu'on s'attaque au problème justement de trouver ce guide qui va nous permettre de sélectionner les bons composants. On espère trouver quelque chose dans un an et demi, enfin, avoir une réalisation à peu près crédible dans un an et demi. Et là, à partir de ce moment-là, on pourra éventuellement envisager effectivement une chaîne complète passant du programme jusqu'à l'implantation dans une bactérie. Pour l'instant, on cherche justement dans cette partie de compilateur ce fameux guide qui sélectionne les bons composants pour avoir un réseau fonctionnel. Le pari, c'est très simple. Le pari, c'est qu'on a une technologie qui est la technologie de synthèse d'ADN. Dans 10 ans, on sera capable de synthétiser un génome. Moi, j'avais fait l'extrapolation de cette croissance-là, 2030, aux alentours de 2030, on aura la capacité de synthèse du génome humain, 3 milliards de bases. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Soit on encode des livres, pourquoi pas, soit on décide que ça soit le support de synthèse d'une fonction. Et à ce moment-là, il faut en quelque sorte structurer un métier. Si je prends comme référence le métier de l'informatique, il est structuré en deux. Les concepteurs de logiciels, les concepteurs de machines. Et cette structuration peut très bien fonctionner. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas en quelque sorte les unités, les composants de base suffisamment fiables, etc., etc., effectivement, ça viendra en échec. Mais une fois que les gens ont des composants de base, et si on parie sur le fait que des biologistes, des biochimistes arrivent à identifier ces composants de base, à les caractériser proprement et je veux dire, à permettre l'assemblage, qu'est-ce qu'on fait avec ? Parce que là, on aura 10 milliers de composants de base. C'est pas ça qui conçoit un système. Enfin, je veux dire, si on a 10 000 composants électroniques, on ne fait pas un système. Donc si on prend comme référence, par exemple, la conception des VLSI, c'est-à-dire la conception des circuits électroniques, on s'aperçoit qu'il y a deux métiers, ceux qui conçoivent les composants et ceux qui conçoivent les circuits. Nous, on adresse des outils de conception des circuits, en pariant qui a une évolution, donc je peux montrer certains succès. Par exemple, il y a, je crois, 2 ans, il y a Christopher Voigt qui a généré une séquence fonctionnelle de ce qu'on appelle un site de fixation ribosomal. Et ce site de fixation n'avait pas de référent naturel. C'est-à-dire qu'il a été complètement généré par ordinateur et il marchait. Donc, enfin, c'est une toute petite fonction, elle ne décrit même pas une fonction d'organisme, c'est juste pour que les ribosomes se fixent à la séquence. Mais son papa, c'est un programme. Et son papa n'a pas été voir, comme l'idée de Craig Venter, n'a pas été voir une copie existante de ça. C'est-à-dire que c'est même pas une adaptation d'une copie, c'est ex nihilo. Donc il y a ce genre de choses qui existent. Il y a un ensemble de succès sur l'identification de ces composants de base qui rendent optimiste là-dessus. Mais après, un millier de transistors ne font pas un ordinateur. Pareil, hein, je veux dire, un millier d'instructions, une mémoire et tout ça, ça ne fait pas un ordinateur. Il faut un logiciel. Et nous, on ne conçoit même pas le logiciel. On conçoit les outils qui permettront aux biochimistes, aux biologistes, de programmer ces fonctions-là. On n'a même pas la prétention de connaître ces choses-là. Par contre, ce qu'on connaît, c'est effectivement la structuration de ces outils. Et bon, bien sûr, on est en interaction avec des laboratoires ici plus spécialistes en biologie de la biologie synthétique. Notamment ici, le laboratoire de biologie synthétique et systémique des vivants. Voilà la motivation essentielle, enfin l'une des motivations essentielles du projet symbiotique. L'autre motivation étant la recherche de nouveaux médiums de calcul. C'est-à-dire aussi en tant qu'informaticien, Un des éléments importants, finalement, c'est de déterminer sur quoi on va calculer, enfin, quels sont les supports de calcul, existe-t-il des nouveaux supports de calcul. Donc il y a d'un côté les ordinateurs quantiques, et de l'autre côté, on peut se poser la question sur les ordinateurs biologiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne peut pas, en quelque sorte, détourner les fonctions du vivant pour qu'on réalise des algorithmes dessus. La recherche de nouveaux médiums de calcul. Bon, il faut comprendre que les informaticiens donc, sont passionnés par le calcul, et dans ce cadre, ils sont toujours à la quête, en quelque sorte, à la fois de nouvelles manières de calculer et aussi de nouveaux supports pour le calcul. Et l'un d'entre eux est le calcul biologique. Et l'exemple le plus caractéristique, ça a été l'exemple d'Adelman qui a encodé un problème difficile, c'est-à-dire qu'on a un problème d'optimisation, qu'on appelle des problèmes B complets dans une molécule, dans une protéine, et le repliement de cette protéine, l'action physique de ce repliement donnait une solution à ce problème. C'est essentiellement, on va dire, plutôt un paradigme, puisque ce n'était pas des centaines d'éléments, mais c'est important. Et de manière générale, la recherche de nouveaux médiums permet de décrire de nouveaux modes de calcul. Et on espère sortir du paradigme de Turing, enfin de la machine de Turing, pour aborder d'autres paradigmes nouveaux de calcul en testant ces nouveaux médiums. La méthode de conception qui s'installe notamment en informatique, au travers de la programmation, de la vérification de programme et tout ça, est une méthode de conception sécurisée. L'un des problèmes de la biologie synthétique, c'est de minimiser le risque en augmentant la sécurité. Les chaînes de traitement, en quelque sorte, de conception des logiciels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la conception de langage de programmation pour être des biohackers fous qui font des choses, mais il y a aussi derrière, quand on a conçu un programme, on a décrit ce programme, on est capable de l'interpréter même sans ordinateur, c'est-à-dire qu'il fait sens, enfin, comme une phrase classique, et en fonction de cette interprétation, on est capable aussi de vérifier certaines de ses propriétés et de garantir en quelque sorte deux choses, ce qu'on appelle deux choses, c'est la notion de sûreté, c'est-à-dire est-ce que le programme va faire ce qu'on lui demande, et la notion de sécurité, c'est-à-dire que est-ce que le programme ne va pas faire d'action illicite. Et par exemple, en informatique, il y a une grande réussite commune pour les Parisiens, puisqu'il y a la ligne du métro 14, où il n'y a pas beaucoup de panne, en fait, qui est totalement informatisée. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'elle est aussi, on a utilisé ce qu'on appelle des méthodes formelles pour vérifier finalement la fonction des programmes et la fonction du système. Donc ça, c'est le troisième plan. Ça peut apporter à la biologie synthétique, on va dire, une conception plus sécurisée, on va dire, si le pari est gagné.